Le 10 octobre, le journal Rodong Sinmun a inséré l'article d'un commentateur militaire titré « Aucune farce ne peut cacher l'histoire de la défaite honteuse et la situation misérable des mercenaires ».